Lettre à mon juge, de Georges Simenon. France Culture et la Comédie-Française présentent Lettre à mon juge, de Georges Simenon. Adaptation, Pierre Assouline. Quatrième épisode. À son juge, à qui il voudrait faire comprendre les raisons profondes de son meurtre, Charles Allavoine détaille sa rencontre avec Martine et la bouleversante révélation amoureuse qu'il connaît quand il couche avec elle le premier soir. De retour à La Roche, Allavoine introduit Martine chez lui sous un faux prétexte et la présente à sa mère et à sa femme Armande. Comment certaines personnes ont-elles pu me voir aller et venir et ne pas soupçonner que je vivais des heures extraordinaires? Et j'étais vraiment le seul à en avoir conscience? Il nous était à peu près impossible, à Martine et à moi, de nous voir seul à seul. Mais elle était chez moi, et cela me suffisait. Je faisais du bruit exprès pour qu'elle m'entendît, pour qu'elle eût sans cesse conscience de ma présence. Le matin, je me suis mis à fredonner en me rasant, et elle a si bien compris que, quelques instants plus tard, je l'entendais chanter dans sa chambre. Cela, maman, elle aussi l'a compris. J'en mettrai ma main au feu. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien laissé paraître. Il est vrai que maman n'avait aucune raison d'aimer Armande. Au contraire. C'est le troisième jour au matin, pendant ma consultation, qu'Armande a conduit Martine en taxi, pour ne pas me déranger, chez Madame de Beur, où elle lui avait trouvé une chambre et une cuisine. Le second, le troisième jour. Tout cela m'a paru si long à cette époque. Et bien que cela ne date même pas d'un an, il me semble que c'est si loin. Pour Martine et moi, le monde changeait d'heure en heure. Les événements allaient si vite que nous n'avions pas toujours le temps de nous tenir l'un et l'autre au courant de ce qui se passait, ni de notre évolution. Je lui avais dit brièvement, entre deux portes, « Tu n'iras pas chez Boquet, j'ai trouvé autre chose. Laisse-moi faire. » Or, le jour même, à midi, Babette est venue frapper à la porte de mon cabinet, ce qui signifiait que mon bouillon était servi. C'est mon habitude, dans les moments de forte presse, d'interrompre quelques instants mes consultations pour aller boire un bol de bouillon chaud dans la cuisine. J'étais vraiment fatigué. Ma main tremblait un peu de nervosité en saisissant le bol. Ma femme était là, par hasard, à préparer un gâteau. Cela ne peut pas continuer comme ça. Si je savais que cette jeune fille est vraiment sérieuse, je crois que je l'engagerais comme assistante. Elle pourrait t'aider aussi. Se mettre petit à petit au courant pour le compte. Qui sait si ce n'est pas un trait du caractère d'Armande qui a tellement hâté les choses que j'en ai été le premier surpris. Elle a toujours aimé diriger, qu'il s'agisse d'une maison ou de n'importe quoi. Voilà pourquoi j'avais eu un trait de génie, sans le vouloir, en parlant des comptes de fin d'année. C'était mettre Martine sous sa coupe. C'était un être de plus qui entrait de la sorte sous sa domination. Cette fille paraît assez intelligente, mais je me demande si elle est suffisamment ordonnée. Le soir où, pour la première fois, je suis allé voir Martine dans son nouvel appartement, je venais lui annoncer deux bonnes nouvelles. D'abord que ma femme l'invitait à venir passer le réveillon de Noël avec nous, ce que je n'aurais jamais osé espérer. Ensuite, qu'avant la fin de l'année, dans moins de 10 jours, elle serait vraisemblablement mon assistante. J'étais fiévreux. Mon cœur battait. J'ai vu la maison. De la lumière à gauche au rez-de-chaussée et une autre lumière au premier étage. J'ai sonné. J'ai entendu les pantoufles de la propriétaire traîner dans le corridor. Elle me dit que la demoiselle venait juste de rentrer. J'ai gravi les marches 4 à 4. J'ai frappé. Pourquoi ai-je froncé les sourcils? Pourquoi ai-je eu une impression de vide? Je m'attendais sans doute à avoir, tout de suite, Martine debout, contre moi. J'ai dû faire des yeux le tour de la pièce et je l'ai vue étendue sur le lit, tout habillée, souriante, une cigarette aux lèvres. Alors, au lieu de me précipiter pour l'embrasser, au lieu de lui annoncer gaiement mes deux bonnes nouvelles, j'ai questionné durement. Qu'est-ce que tu fais, là? Je me reposais en t'attendant. Tu ne savais pas que je viendrais? Mais si. Ce qui méritait, je pense. C'était de la retrouver exactement comme je l'avais vue dans le bar américain de Nantes, avec son sourire de magazine que je commençais à haïr. Tu es sortie ? Il fallait bien que je mange. Il n'y avait rien encore d'arrangé ici. Moi qui avais été si patient avec Armande, que je n'aimais pas, j'avais envie, avec elle, de me montrer cruelle. Où as-tu dîné ? Dans un petit restaurant. Le Chêne Vert, que quelqu'un m'a désigné. Pas Madame de Beurre, en tout cas. Elle ne souriait plus. Elle s'était assise au bord du lit et elle me regardait, inquiète, dépitée, comme une petite fille qui se demande pourquoi on la gronde. Tu es allée au poker bar. Avoue que cela te manquait déjà. Avoue que tu avais envie de rencontrer Poker. Mais avoue-t-on. Je suis si sûre d'avoir raison. Il fallait que tu ailles te refrotter à lui. Je me le demande. Peut-être. Tu avais besoin de te frotter à lui. Tu avais besoin d'un homme, hein? Avoue. Tu avais envie de boire. Peut-être. Tu avais besoin qu'on s'occupe de toi. Tu as toujours besoin que les hommes s'occupent de toi. Tu me fais mal. Tu n'es qu'une putain. En lâchant le mot, j'ai donné une secousse plus forte que les autres et je l'ai envoyé rouler par terre. Elle n'a pas protesté. Elle est restée ainsi, entendant un bras replié devant son visage par peur des coups qu'elle attendait. Lève-toi. Elle m'obéissait lentement, en me fixant avec une espèce d'épouvante. Mais il n'y avait pas de haine dans son regard, ni de rancune. Tout cela, je m'en rendais compte peu à peu et j'en étais stupéfait. Je venais de me conduire comme une brute et elle l'acceptait. Je venais de l'injurier et elle ne relevait pas l'injure. Ne me fais pas de mal. Viens ici. Elle a hésité un instant. Elle s'est avancée enfin, en se protégeant toujours le visage de son bras. Elle était persuadée que je frapperais. Mais elle venait, mon juge. Elle venait, voilà. Et il y avait 3 jours que nous nous étions rencontrés pour la première fois. Pardon. Tu l'as vu ? Qui ? Tu sais bien. Il n'était pas là. S'il avait été là. Je lui aurais dit que je n'allais pas chez lui. Mais tu aurais accepté de boire avec lui. Peut-être. À qui as-tu parlé ? À personne. Tu mens. Quelqu'un t'a désigné le Chêne Vert. C'est vrai, mais je ne connais pas son nom. Il t'a offert à boire ? Je crois. Oui. Et j'étais soudain triste, mon juge. D'une tristesse tendre. J'avais l'impression de serrer dans mes bras une enfant malade. Elle était menteuse. Elle était vicieuse. Elle était quand même venue vers moi alors qu'elle croyait que j'allais la meurtrir. Puis ces mots dont je me souviendrai toujours. Ces mots qu'il rattachait plus que quoi que ce soit à l'enfance. Je ne le ferai plus. Nous étions debout, enlacés, à 2 pas du lit. Elle avait envie de pleurer, elle aussi, mais elle ne pleurait pas. Elle se tenait immobile par crainte, j'en suis sûr, de déchaîner à nouveau mes démons. Et moi, je l'entraînais doucement vers le lit qui gardait la trace de son corps. Tu veux ? Je voulais, oui. Mais pas comme un hante. Je voulais la sentir à moi. Je voulais que sa chair fût intimement mêlée à la mienne. Et c'est lentement, en pleine conscience, la gorge serrée par l'émotion, que je prenais possession d'elle. Je prenais, une fois pour toutes, mes responsabilités. Non seulement les miennes, mais les siennes. Je prenais sa vie en charge, avec son présent et son passé. Et c'est pourquoi, mon juge, je l'étreignais presque tristement. Elle restait calme et grave. Quand elle a senti que je m'étais fondu en elle, sa tête s'est légèrement détournée sur l'oreiller, sans doute pour cacher ses larmes. Sa main a cherché la mienne, a pressé mes doigts avec la même lenteur et la même tendresse que je venais de mettre à l'étreindre. Il faut que je parte. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Martine. Demain. Elle ne m'a pas demandé à quelle heure et cela signifiait qu'elle m'attendrait toute la journée. Qu'à l'avenir, elle m'attendrait toujours. Il y avait des mois, à cette époque-là, on pourrait dire des années, car Monde et moi n'avions plus de rapport sexuel. Car pendant les dernières années, si cela nous était arrivé de temps en temps, c'était plutôt par raccro, à tel point qu'après, elle en était gênée. À la barre des témoins, Armande a dit « Et cette fois, vous étiez présent. Je vous ai aperçu dans la foule. » « Je lui ai donné 10 ans de ma vie. Et s'il devient libre demain, je suis prête à lui donner le reste. » « Non, mon juge, non. Qu'on soit de bonne foi ou qu'on réfléchisse avant de prononcer des phrases comme celles-là qui font courir un petit frisson d'admiration dans l'auditoire. En quoi, dites-moi, en quoi elle m'a donné 10 ans de sa vie ? Où sont-ils ces 10 ans-là ? Qu'en ai-je fait ? Où les ai-je mis ? Pendant ces 10 ans-là, non seulement elle a vécu sa vie à elle, mais elle nous l'a imposée à tous. En aurait-il d'ailleurs été autrement ? Aurions-nous été à égalité que j'aurais encore pu lui dire ? Si tu m'as donné 10 ans de ta vie, je t'ai donné 10 ans de la mienne. Nous sommes quittes. Au tribunal, elle a dit aussi... Quand il a introduit cette personne dans ma maison... Sa maison. Vous l'avez entendu comme moi. Elle n'a pas dit notre maison. Elle a dit sa maison. Sa maison, sa bonne, son mari. Voilà le mot de l'énigme, mon juge. Car il faut bien croire qu'énigme il y a, puisque personne n'a compris ou paru comprendre. Elle était persuadée, comme les juges, comme tous ceux qui ont assisté à mon procès, que je suis un lâche. Que c'est par lâcheté que j'ai organisé ce Noël dont le souvenir lui fait encore si mal. Par lâcheté encore que j'ai employé des ruses, 10 ans de mots, pour imposer chez moi la présence de Martine. Chez moi, vous entendez ? J'y tiens, parce qu'enfin il me semble que j'étais chez moi aussi. Nous nous cachions, soit, et il nous arrivait souvent de mentir. Par charité, mon juge. Parce que, à cette époque-là, j'étais encore naïf. Parce qu'à 40 ans, je ne connaissais rien de l'amour, et que je me figurais que je pourrais être enfin heureux sans rien retirer aux autres. Reste Armande et ses 10 ans, je sais. Or, je n'y crois pas. Une femme qui aime ne dit pas « dans ma maison, sous mon toit ». Une femme qui aime d'amour ne parle pas de ses 10 ans de sacrifice. Elle a peut-être cru m'aimer, voyez-vous, mais moi maintenant, mon juge, je m'y connais. Le grand problème, le problème capital, c'était de découvrir pourquoi nous nous aimions. Et il nous a hantés longtemps, car de sa solution dépendait le plus ou moins de confiance que nous pouvions avoir en notre amour. Cette solution, l'avons-nous trouvée ? Je n'en sais rien, juge. Personne n'en saura jamais rien. Pourquoi, dès le premier soir de Nantes, après quelques heures que je qualifie volontiers de sordides, et alors que rien ne nous rapprochait, avons-nous éprouvé soudain cette faim l'un de l'autre ? D'abord, voyez-vous, il y a eu ce corps raidi, cette bouche ouverte, ces yeux affolés qui ont été pour moi un mystère, puis une révélation. J'avais détesté la petite habituée des bars, ses tics et son assurance, et ce qu'il y avait de raccrocheur dans les regards qu'elle lançait aux hommes. Or, quand je l'ai tenue dans mes bras, la nuit, quand, intrigué, parce que je ne comprenais pas, j'ai soudain fait la lumière, je me suis aperçu que j'étais en train d'étreindre cette petite fille. Une petite fille qui avait le ventre couturé du pubis au nombril, c'est entendu. Une petite fille qui avait couché avec des hommes. Je pourrais vous dire maintenant avec combien d'hommes exactement, où, comment, dans quelles circonstances, dans quel décor même. Une petite fille néanmoins qui avait faim de la vie et que raidissait une peur bleue de la vie, pour employer un mot de ma mère. Toute petite, déjà, elle avait peur. Toute petite fille, à 10 ans, invitée par des amis plus riches, chez qui ses parents étaient fiers de l'envoyer. Elle a assisté à leur jeu qui n'était pas tout à fait innocent. J'ai travaillé des semaines, je dis bien travaillé, à la délivrer de la honte. Et pour cela, il fallait que je la fouille dans ses moindres recoins. À cause de ses petites amies riches et vicieuses, à cause de ses parents qui s'obstinaient à l'envoyer chez elle, parce qu'il s'agissait d'une des familles les plus considérables de la ville, elle a pris l'habitude, certains soirs, de s'étendre sur le ventre, dans la solitude de son lit, et de se raidir pendant des heures à la recherche farouche d'un spasme qui ne venait pas. Les hommes n'avaient fait que remplacer la raideur solitaire. Et c'était toujours pour être comme les autres, pour se sentir enfin comme les autres, qu'elle était allée les chercher. Sans amour, sans poésie vraie ou fausse, son vrai désir. Et pour ma part, je trouve cela tragique. Parce que tout son être était en quête de soulagement, l'homme a cru qu'elle était une amante. Les autres aussi, mon juge, qui se sont succédés et dont pas un, vous m'entendez bien, pas un n'a compris qu'elle cherchait dans leurs bras une sorte de délivrance, dont pas un n'a soupçonné qu'elle sortait de leur étreinte avec la même amertume et le même écœurement que de ses expériences solitaires. Est-ce parce que le premier j'ai eu cette révélation que je l'ai aimée et qu'elle m'a aimée? Le miracle, c'est que je l'ai rencontrée. C'est ce double retard qui nous a mis face à face. Le miracle, c'est surtout que moi, qui ne suis pas particulièrement intelligent, qui ne me suis guère penché comme l'ont fait certains de mes confrères sur des problèmes de cette sorte, c'est que moi, Charles à l'avoine, au cours d'une nuit où j'étais ivre, où elle l'était aussi, où nous avions traîné salement notre dégoût dans les rues souillées par la pluie, j'ai compris. Soudain. Pas même compris. Je n'ai pas compris tout de suite. Mettons, pour être exact, que j'ai entrevu, dans tout le noir où nous nous débattions, une petite lueur lointaine. Le vrai miracle, au fond, c'est que j'ai eu envie, Dieu sait pourquoi, c'est que j'ai voulu approcher cette lueur fraternelle et comprendre, et que ce désir dont je n'avais pas conscience ait suffi à me faire franchir tous les obstacles. Je ne savais même pas, à ce moment-là, que c'était de l'amour. Avant que l'événement se produise dans la maison de ma femme, comme je l'appelle volontiers désormais, nous avions déjà fait, Martine et moi, connaissance avec la souffrance. Son arrivée à La Roche-sur-Yon par un décembre pluvieux, avec un crochet par Nantes pour y emprunter un peu d'argent, c'était, en somme, une sorte de suicide. Elle abandonnait la partie. Il existe un degré dans le dégoût de soi où l'on se salit davantage pour arriver plus vite au bout, au fond, parce qu'alors il ne peut plus rien arriver de pire. Or, au lieu de ça, un homme lui a offert de vivre. J'ai pris, ce faisant, et je m'en rendais compte, une lourde responsabilité. Je sentais qu'elle avait besoin d'être délivrée d'elle-même, de son passé, de ses quelques années, de ces si peu d'années où elle avait tout perdu. J'ai cru que pour y arriver, ce passé, je devais, moi, le prendre en charge. J'ai entrepris de lui rendre coûte que coûte confiance en elle, confiance en la vie. Et c'est pour cela qu'ensemble, avec application, nous nous sommes attelés au grand nettoyage. J'ai connu des nuits épouvantables. Mais la mauvaise Martine s'effaçait, et cela seul importait. J'en voyais naître peu à peu une autre qui ressemblait chaque jour davantage à une petite photo de ses 16 ans qu'elle m'avait donnée. Une fois, quand elle est entrée dans mon bureau, je l'ai fixée sans la voir. C'était l'autre qui me restait collée à la rétine, et soudain, malgré moi, pour la première fois de ma vie, j'ai frappé. Je n'en pouvais plus. J'étais à bout de douleur. Je n'ai pas frappé avec la main ouverte, mais avec le poing. Et j'ai senti le choc des os contre les os. Je me suis effondré aussitôt. La réaction. Je suis tombé à genoux. Je n'ai pas honte de le dire. Mon pauvre Charles. J'ai cru que cela n'arriverait plus. Que plus jamais la brute ne se réveillerait en moi. Je l'aimais, juge. J'ai envie de vous crier ce mot-là à m'en faire éclater la gorge. Pourtant, j'ai recommencé. Chez elle, une fois, chez nous, un soir que nous étions couchés, que je caressais son corps, que mes doigts ont rencontré la cicatrice, et que j'ai retrouvé mes fantômes. C'est Martine, la vraie Martine d'avant les salauds qui l'avaient salie, que je m'obstinais à dégager. C'est celle-là que j'aimais et que j'aime, qui est mienne, qui fait à tel point partie de mon être que je ne distingue plus nos limites. Au péril de notre vie, oui. Cela, Martine l'a compris avant moi. Elle ne l'a pas dit alors. C'est la seule chose qu'elle m'ait cachée. C'est le lendemain d'un jour où je m'étais battu avec le passé, avec l'autre Martine et avec mes fantômes. Le lendemain d'un jour où je l'avais frappée avec plus de violence, que nous avons été surpris. Il était 8 heures. Ma femme aurait dû être en haut avec ma plus jeune fille qui n'avait pas classe ce jour-là. Des clients attendaient, en rang sur les deux banquettes de la salle d'attente. Je n'ai pas eu le courage de leur ouvrir la porte tout de suite. Martine avait un œil meurtri. Elle souriait et son sourire en était plus émouvant. Je l'ai prise dans mes bras, avec une douceur infinie. Mais oui, avec une douceur infinie, j'en étais capable. Et je me sentais à la fois son père et son amant. Je comprenais que désormais, quoi qu'il arrive, nous n'étions plus que deux au monde, que sa chair était la mienne, qu'un jour viendrait, tout proche, où nous n'aurions plus besoin de nous interroger et où les fantômes s'enfuiraient. Je n'avais pas honte. Je n'avais plus honte de mes emportements, de mes crises, parce que je savais maintenant qu'il faisait partie de notre amour. Que notre amour, tel qu'il était, tel que nous le voulions, n'aurait pas pu exister sans eux. Excusez-moi. Martine n'a pas compris, mon juge, pourquoi je me suis mise à sourire. Pourquoi mon visage a exprimé une véritable allégresse. J'étais soulagée. Ma chérie. Enfin. Ne pleure pas. Madame fait demander à monsieur de monter dans sa chambre. Mais oui. Il était temps. Ma bonne bébête. Je n'en pouvais plus, moi. Mais oui, Armand. J'ai tout fait. Je suppose que tu vas la mettre à la porte. Mais non, Armand. Mais non, il n'en est pas question. En tout cas, je ne supporterai pas qu'elle reste une heure de plus sous mon toit. Je l'aime. Tu comprends? Si seulement... Je l'aime. Si seulement tu t'étais contenté de la voir dehors. J'ai éclaté, mon juge. Pas uniquement contre Armande, contre vous tous. Contre la vie telle que vous la comprenez. Contre l'idée que vous vous faites de l'union de deux êtres et des paroxysmes auxquels ils peuvent atteindre. Si tu as tellement besoin d'elle... Parce que, voyez-vous, je lui avais crié toute la vérité. Toute, y compris le visage meurtri par mes poings et mes draps que je mordais dans mes nuits d'insomnie. Alors, on m'offrait un compromis. Je pourrais aller la voir, comme Bocquet l'aurait fait. Je pourrais, en somme, en y mettant de la discrétion, aller de temps en temps me satisfaire. La maison a dû en trembler. J'ai été violent, brutal. Moi, que ma mère avait toujours comparé à un gros chien trop doux. Pense à ta mère. J'ai été méchant, volontairement cruel. Merde. J'en avais besoin. Merde. Je n'aurais pas pu me soulager à moins. C'était fini, tout ça, d'un seul coup, au moment où je m'y attendais le moins, et je n'avais aucune envie de recommencer. J'ai choisi le train de nuit exprès pour que mes filles soient couchées. Je suis monté les embrasser dans leur lit. J'ai tenu à ce que personne ne m'accompagne. Je suis resté quelques minutes là-haut, et l'aînée seule s'est à moitié réveillée. Je suis redescendu, très calme. Le taxi attendait devant la grille et le chauffeur était occupé à y porter mes bagages. Maman était restée dans le salon. Elle avait les yeux rouges, un mouchoir roulé en boule à la main. J'ai cru que cela se passerait bien quand même. Mais au dernier moment, comme je me dégageais de ses bras... Allez. Tu me laisses toute seule avec elle. Au revoir, maman. Armande se tenait debout dans le vestibule. C'est elle qui avait fait mes valises. Au revoir, Charles. Au revoir, Armande. Je ne t'en veux pas. Va. C'était Lettre à mon juge de Georges Simenon. Épisode 4. Adaptation de Pierre Assouline. Avec les comédiens de la Comédie Française. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr. À suivre demain.